Chère Simone, de Laure-Elisabeth Bourdeau et Pauline Mocor. J'ai peur de vieillir. Email de Eleanor, 33 ans, à Simone de Beauvoir. Objet, j'ai peur de vieillir. Chère Simone, j'ai les boules. J'ai croisé une gamine dans le bus qui portait la même mini-jupe flashy que moi. Le choc. Elle a la moitié de mon âge et elle a la même fringue. Cherche l'erreur. Imagine, cette jupe, c'était LA jupe sexy de ma garde-robe. Il suffisait que je l'enfile pour me sentir pétillante et prête à croquer la vie. Mais tu vois, j'en parle au passé, parce que maintenant que je l'ai vue sur la gamine aux hanches aériennes, je suis pas prête de la remettre, cette jupe. Je me sens vieille et conne. En rentrant, j'ai dû me concentrer pour ne pas chercher mon reflet sur les vitrines des boutiques. Tu sais, Simone, jamais j'aurais pensé perdre un jour mon temps sur ce genre de considération. Faut dire que je me croyais épargnée avec mes 3 cheveux blancs apparus tardivement. Le réveil est d'autant plus brutal. Oh, Simone, s'il te plaît, dis-moi que la vie ne s'arrête pas à 33 ans et qu'à un moment, ça repart. Et peux-tu aussi transférer mon mail à tes copines ? J'attends vos réponses avec impatience. Eleanor. Réponse de Simone de Beauvoir à Eleanor. Chère Eleanor, je connais ton désarroi. Un jour, j'ai réalisé que j'avais 40 ans. Quand je me suis réveillée de cet étonnement, j'en avais 50. Si tu souffres en ce moment, mon petit, c'est que tu approches de la première charnière. 35 ans ? C'est l'apogée fatidique. Tu surmontes enfin tes inhibitions et atteins ton plein épanouissement érotique. Profite, parce qu'ensuite arrive la deuxième charnière, la ménopause, l'âge dangereux. À 37 ans, j'ai trouvé la parade dans les bras de Nelson, mais à 50 balais, j'étais désemparée. Quand je croisais un miroir, je m'étonnais de cette chose incroyable qui me servait de visage. Peut-être les gens ne voyaient qu'une quinca, mais moi, je voyais mon ancienne tête, où une vérole s'était mise. Le pire, c'est quand cette vérole m'a touchée à l'intérieur. L'ombre de la mort s'est glissée entre le monde et moi. Elle a découragé toutes mes révoltes, fait pâlir mes bonheurs. Je ne le prévoyais pas, mais ça commence tôt, et ça ronge. Excuse-moi si je décuple tes angoisses. Je préfère que Doris prenne le relais. Tu sais, les copines ne sont pas toutes dans mon cas. Pas de fatalité. Simone. Reply from Doris Lessing for Eleanor. Aïe, Eleanor, l'épineux sujet. Une plaie jamais totalement cicatrisée, réouverte à chaque coup de canif. Comme par exemple ce regard échangé avec un quinquagénaire élégant qui me fait comprendre qu'il me prend pour une mémée. Pourtant, on est de la même cuvée, malotru. Mais monsieur tient à son bras une trentenaire, tu comprends? Qu'est-ce que ça peut mettre en rogne quand les mecs se croient plus durables que nous sur la date de péremption? Heureusement qu'il y a les copines. On investit un bistrot. On enfile les scotchs et on se moque bien de ce que pense le type qu'on est en train de mater. Ah oh là là, s'il savait ce que nous pensons, alors qu'il pourrait être notre fils. On l'imagine sous toutes les coutures, tellement que parfois ça se termine in bed all night long. Bon, c'est sûr, avec les années qui passent, mieux vaut soigner ton style si tu ne veux pas faire mémère. Voici Marcette. Du temps pour toi, soins quotidiens, bain de sel à répétition et ne pas regarder à la dépense côté make-up et fringues. Attention, bien couper les fringues. Alors, ta mini-jupe, moi je dis, why not? Enfin, de manière générale, affirme-toi en fonction de tes envies et non du désir des autres. Apprends à te connaître. Et pour cela, le temps est ton allié. Tu sais, la vie nous réserve des surprises jusqu'au bout. L'amour, ça arrive sans prévenir. Et c'est un super filtre de longévité. N'est-ce pas, Anaïs? Kiss, kiss, ma belle. Don't give up the fight. Doris. Réponse de Anaïs Nin à Eleanor. C'est vrai, Eleanor. Doris a raison. Selon moi, l'amour change tout en or. Un vrai sortilège contre la mort et la vieillesse. Ah, l'amour! Je m'y vautre et m'en nourris. C'est ma raison d'être, ma drogue. Il m'en faut toujours plus. J'ai besoin de sentir que tous les hommes me désirent. Bon, tout cet amour ne m'empêche pas de flipper. D'ailleurs, à 53 ans, dans le plus grand secret, j'ai fait mon premier lifting, parce que je ne supportais pas de me voir comme du satin froissé. Mais ça, ça reste entre nous, hein. From Virginia Woolf to Eleanor. Ma chère Eleanor, parlons concret. Nous allons tous mourir. Le temps est compté, mais c'est là la seule certitude. Pour contrer ça, une seule solution, avoir des projets. Ils te permettent de voyager dans le temps. Les mener à bien, c'est s'arracher à l'angoisse paralysante du néant. Ensuite, libre à toi de modeler le temps selon ton envie. Renonce à la notion de durée. Préfère lui celle d'élasticité. Le temps devient parfois très long. Quand tu attends sous l'abribus, profite du déroulement des secondes. Plonge dans chacune d'elles, comme dans une bulle. Moi, quelquefois, il me semble avoir déjà vécu 250 ans. Et à d'autres moments, je me crois la plus jeune de l'autobus. Eleanor, j'espère de tout cœur que ma lettre te réconfortera et que tu ne manqueras pas de me donner de tes nouvelles. Ta Virginia. C'était « Chère Simone » de Laure-Elisabeth Bourdeau et Pauline Maucor, avec Dominique Raymond, Mélanie Bestel, Christiane Coendi, Anne-Lise Heimburger, Aurélia Petit et la voix de Duncan Evenou. Bruitage, Sophie Bissance, conseillère littéraire Céline Geoffroy, prise de son, montage et mixage Jean-Michel Bernot et Emmanuel Armingue. Assistante à la réalisation, Clémence Gross. Réalisation, Laurence Courtois.